100% rap français. Et c'est parti juste après Difool pour la nocturne 100% rap français. On va passer une première heure de nocturne avec monsieur Dinos Punchlinovic qui est là avec nous. Ça va? Ouais, ça va, et toi, Fred? Bah écoute, ça fait plaisir de te voir. Ah, ça me fait plaisir. Dans le studio de Planète Rap et dans le studio de la Nocturne. Puisque ce soir, c'est toi qui prends le contrôle de la Nocturne. Aga. À l'occasion de la sortie d'Apparence, c'est lundi, hein? Lundi, 14 avril, 1499. En sortie digitale uniquement. En sortie digitale, en préco, toujours en préco. T'as deux morceaux offerts qui sont Namek et 2014. Donc c'est carrément un album. Plus un bonus, imagine. C'est incroyable. Apparence, ça s'appelle, c'est Dinos qu'on va découvrir aussi ce soir dans la Nocturne. Enfin, c'est vrai que je t'ai reçu plusieurs fois dans les Planètes Rap. Ouais. Et là, désormais signé chez Def Jam. Ouais. Tout va bien? Tout va bien. Ça se passe bien? Tout se passe bien. Il y a un clip qui est arrivé là récemment d'ailleurs. Ouais, quelqu'un de bien, tourné à Douala, au Cameroun. À la maison? À la maison, frère. C'était bon? C'était chaud. Ce petit séjour au Cameroun? C'était chaud dans tous les sens du terme, frère. Ah oui, vraiment à ce point-là? Oh, chaud climatiquement. Ouais. J'en doute pas une seule seconde. Bon, prêt pour prendre le contrôle de la Nocturne, il y aura du live, du freestyle avec toi. Il y aura quelques morceaux aussi rap français que t'aimes bien. Ouais. Et Carrie aussi. Et puis beaucoup, beaucoup d'extraits de ce projet Apparence, le EP qui sera dans les bacs sous forme digitale dès lundi. On peut donc le précommander dès maintenant. Allez-y, hein, dès maintenant. Yes. Vous pouvez cliquer, récupérer. On peut déjà récupérer des morceaux si, par exemple. Ouais. Namek et 2014. Ah bah, terrible. Donc, allez cliquer, vous récupérez Namek et 2014. Et on débute d'ailleurs avec le morceau Namek. Prêt? Prêt. Je te laisse les clés de la Nocturne, c'est parti. Prêt. 100% rap français, Planète Rap. La Nocturne. Hey. Négro. Hey, 12 mesures de guerre. Concurrence par terre. Négro, j'ai tout un crew en dessous de ma paire de Nike Air. Ma paire de Nike Air. J'm'almène le rap guerre. Si j'fais disque d'or, j'rachète le grec de ma thèse. À l'aise, ma man. J'éclate les Wakens. Hey, hey yo, Renoir, j'm'appelle Jules, j'suis né par Césarienne. Né par Césarienne. Volant se transforme en moltonnel. Je passe mes vacances sur la lune Apollo 13. Où je me bats en croisière. Apparence. En croisière au Langaro sous le casino. Où je touche le jackpot en 3-7. Mets du son dans la Benz. Benz, Benz, Benz. Mets du son dans la Benz. Suffit d'un headshot pour te mettre du plomb dans la tête. Bang, bang. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. J'gratte mes textes à la salle du temps. Et j'vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Poser sur Namek. J'gratte mes textes à la salle du temps. Et j'vais me poser sur Namek. J'm'applique et j'kick sec. Ma rime se disperse. J'aime le rap français. Merci Jackie et Michel. Merci Jackie et Michel. Les négros foutent les nerfs. Merde. Vous prenez pas pour Moïse, on a dit pas les mères. Merde, je le répète pour 4-5 frères. Frère. Le savoir est une arme, j'ai un bac plus 3-5-7. Apparence, 4-99, mon frère. Namek. M sur le front, j'suis l'héritier du trône des Saiyennes. J'ai tendu la main, j'ai fini Théodore Bagwell. Depuis j'suis comme Zidane, j'ai plus donné de la tête. Avant de parler de rap, bien déclare-toi la SACEM. J'suis peut-être sur Detox, mais tu le sauras jamais. Ah, bang, ah, bang. La vie est bien trop belle pour se prendre Namek. Ayo Richie, la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. Où ça? Poser sur Namek. Hey. Poser sur Namek. J'rate mes textes à la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. J'gratte mes textes à la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Poser sur Namek. J'gratte mes textes à la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. Ah, ah. Poser sur Namek. Hey. Poser sur Namek, négro. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la français, planète rap. La nocturne. Yeah. Lundi sur iTunes. On est là pour faire du bif. On est là pour faire du sale. On est au-dessus des lois. Yo. On est au-dessus des tables. On est là pour faire du bif. Bif. On est là pour faire du sale. Sale. On est au-dessus des lois. Yo. On est au-dessus des tables. Check moi, yo. Oh, namasté, quoi de neuf, PD. Je me regardais de haut, maintenant tu me regardes à la télé, fêlé. Maintenant tu m'écoutes à la nocturne. Aujourd'hui je mange au grec avec la thune de Vivendi. Tout niqué, c'est dans le programme, ils veulent me couper la queue. Comme si j'étais Sangohan. Cette année je sors mon EP, j'enchaîne sur un bord mal. Je travaille comme un chinois, les classiques, on fait ça normal. Je prédis mon avenir, c'est même comme si je le construisais. Ils parlent tous de futur sans même savoir le conjuguer. Je suis posé sur ma mec, hey yo gros, je suis ailleurs. Cette année, comme une autre actrice de chez Brazzer. Je prépare de la bonne, je suis au fourneau. Je veux toucher le ciel, toucher Laurent Bruno. Je me retiendrai pas de fusiller ceux qui ont parlé sur moi. Avec un 9mm fan de tir, c'est pas carré croix. Qu'ils aillent tous se rentrer des minigods. Essaye pas de me barber, je suis un Zizi Top. Cherchez pas la guerre, les mecs faux. Restez cool. 2014, mon putain de son passera sur téléfoot. Jir. Les sommes colossales sur mes chaînes. Oh. Je ferai des autographes sur des grecs. Je me pavanerai comme un prince dans ma ville. Et je prierai Dieu pour rester en vie. On est là pour faire du bif, là pour faire du sale. On est au-dessus des lois, y'a un Z en dessous des tables. On est là pour faire du bif, là pour faire du sale. On est au-dessus des lois, y'a un Z en dessous des tables. Check moi, yo. Check moi, yo. Check moi, yo. Check moi, yo. Check moi yo. Et je remercie ceux qui auront acheté mes disques. Je veux pas entrer dans l'histoire, enfoiré moi. Je veux l'écrire. On voit l'argent où je te fais croquer la chaussée. Que du fiduciaire, la maison. Ayo c'est agi. Gros je suis ex. Ayo Charlie, le clip est putain de chaud frère. La résolution c'était sur un écran LCD. Cette année la concurrence va se faire broyer. Et j'aiderai mes parents à payer le loyer. Je mettrai tout le monde à l'amende avec mon disque. Je rentrerai dans le bureau de Chupanige avec mon rib. Ensuite les vannes. Ayant l'argent, appelle l'argent, la route du succès en péage. Ceux qui visent le bif, ceux qui visent le titre. Là où ceux qui ont le bras long se lancent dans Peace for King. J'aurai mon premier gamo sans être malhonnête. Avant la fin de l'année, j'achète ma Rolex. Oh merde. J'ai cherché le synonyme d'argent dans le dictionnaire, j'ai trouvé problème. J'suis pas dans ce game, négro j'suis à part. Veulent leur mettre à ma place, mais j'suis Rosa Parks. 2014, j'les purerai tous en freestyle. Je mettrai à l'abri toute ma mifa. Pavanerai comme un prince dans ma ville. Et je prierai Dieu pour rester en vie. On est là pour faire du bif, là pour faire du sale. Sale. On est au-dessus des lois, y'en fait en dessous des tables. Damn. Là pour faire du bif, bif. Là pour faire du sale. Sale. On est au-dessus des lois, y'en yeah. Fait en dessous yeah. Des tables. Check moi, négro. Hey, check moi, y'en. Check moi, y'en. Check moi, y'en. Check moi, y'en. J'suis Dinos Punchline now, bitch. 100% rap français, planète rap. La nocturne. Hey. Hey. La haine, de l'amour, m'amène. J'avoue que je suis pas toujours correct sur certains points. Des fois je mens, des fois je blesse, mais je suis quelqu'un de bien. On juge sur l'apparence, c'est ça le problème. Si je tue pour ma famille, serais-je quelqu'un de mauvais? T'as dit à tes potes de pas commettre adultère. Et au final, t'as fini par le faire. Pourtant tu l'aimes, maintenant qu'elle sait, c'est toi qui saignes. On est d'accord, les formules magiques des marabouts d'Afrique et les dirais sans remords pour que tu saignes encore. L'impression que je me répète, tu sais, mais l'humain est une erreur, c'est pour ça que l'erreur est humaine. Les hommes changent devant l'argent, ils habiteraient à Mazembe en pensant devenir tout puissant. Est-ce que tu me sens? Yo, on cause du tort, ensuite on fait du mal. On s'en rend compte lorsqu'il sera déjà trop tard. Si on pouvait. fait, on éviterait cet effet papillon. Mais tu sais, avec des scies, on fait des partitions. Souvent je fais souffrir les miens, à part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Souvent je fais souffrir les miens, à part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Souvent je fais souffrir les miens, à part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Souvent je fais souffrir les miens, à part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Hey, hey. Oh, oh. Je crois que je suis quelqu'un de bien. Hey, hey. Je crois que je suis quelqu'un de bien. Je sais même pas ce que ça veut dire, être quelqu'un de bien. Non, je sais pas. Non. Picasso du sucre sur mon dos, disant que je suis mauvais depuis je dors mal. Non, rien de grave, juste un peu de glyco sur l'épine dorsale. Sur mon dos, disant que je suis mauvais depuis je dors mal. Non, rien de grave, juste un peu de glyco sur l'épine dorsale. On a trop cliché sur les gens, même avec une équerre, on verrait les choses du mauvais angle. Je connais des prisonniers et d'autres qui fument des joints. Leur casier dit l'inverse, mais ce sont des gens bien. J'ai juste resté le même avec plus de dollars. J'ai pas prendre la grosse tête, j'ai pas Philippe Bouvard. J'ai juste resté le même avec plus de dollars. Non, j'ai pas prendre la grosse tête, j'ai pas Philippe Bouvard. On cause du tort, ensuite on fait du mal. On s'en rendra compte lorsqu'il sera déjà trop tard. Hey, si on pouvait, on éviterait cet effet papillon. Mais tu sais, avec des si on refait les partitions. Souvent je fais souffrir les miens, à part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Wow. Souvent je fais souffrir les miens, à part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Wow. Souvent je fais souffrir les miens, à part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Souvent je fais souffrir les miens, à part ça, gros, je t'assure que je suis quelqu'un de bien. Hey, hey, je crois que je suis quelqu'un de bien. Ouais, je crois que je suis quelqu'un de bien. Non, je sais même pas ce que ça veut dire être quelqu'un de bien. Non, non, je sais pas, non. Hey, hey, hey, yo Richie. Hey, yo Charlie. Hey. Avril, et au doigt là, c'est comment? C'est la Nocturne 100% en France avec Dinos, Punchline Ovik au contrôle de la Nocturne avec la sortie du EP Apparence lundi. On peut le précommander tout de suite là. Oulala, oulala, oulala, tout de suite. Oulala, là. Ah, moi ça m'a mis quelqu'un de bien, ça m'a mis tout de suite d'entrée de jeu. J'ai vu 2-3 danseurs émérites que tu pourrais nous présenter qui sont avec toi d'ailleurs. Je suis avec mon négro sûr, Thury Balboa. Négro de Douala, frère. Je suis avec mon négro Luigi. Aïe. Et toujours un négro qui on sait pas ce qu'il fait, mais il est là, Mo. Il danse très bien, hein. Ah. Tu as vu homo, ça? Non, homo, non, homo. Tu peux avoir la traduction? Non, homo. D'accord. Pour l'avoir compris. Quelqu'un de bien à l'instant, Dino, c'est extrait d'apparentiel clip, hein, on peut aller mater le clip. Ouais, clip qu'on a fait au Cameroun. On a passé un bon moment. J'ai failli tomber. J'ai failli caler sur le tournage. Ah. Voilà, voilà. Non, moi j'étais pas là. Non. Et toi aussi, ça... dis donc, sur ce moment c'est tendance. Hein. Faites gaffe les mecs quand vous tournez des clips. Non, ça s'est bien passé avec Charlie, oh, qui m'a fait 2014 aussi. Mm. On va continuer à collaborer ensemble et c'est un morceau que j'aime vraiment beaucoup et voilà, je suis vraiment content du résultat du clip. Bon, on l'a passé 2014 juste avant le morceau Quelqu'un de bien. T'as bossé avec qui sur Apparence? Y a qui en beatmaker? Il y a Richie. Richie Beats et Blastar, c'est eux qui ont fait la majeure partie du projet. Ensuite, on est parti au Luxembourg faire deux morceaux avec CHI, dont 2014 et Paradis Enfer. Et puis il y a Dance, un beatmaker marseillais que je connaissais déjà et on a bossé ensemble sur un morceau. Voilà. Donc bien entouré. Ouais, toujours. On repart sur quoi, Dinos? Est-ce qu'on repart sur un classique? Est-ce qu'on repart sur un extrait du EP? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va repartir sur un classique shit. Je crois qu'on va repartir sur On fait les choses, frère. Oh là! Alors là, attention, celui-ci, un petit mot quand même sur celui-ci. Toi, c'est quoi tes souvenirs de rap français? Ce morceau-là, c'était mon grand frère, il le kiffait. Mon grand frère, il écoutait souvent ce morceau. Et je voulais faire comme mon grand frère, donc je l'écoutais moi aussi. Et

Et à partir de ce moment-là, j'ai écouté tout le reste. Donc mauvais œil avec ce titre Avertisseur à l'instant. Gros morceau, il y avait aussi Mac Taylor. Un petit mot sur Mac Taylor, Dinos. Bah, rappeur de d'Aubervilliers, 93, juste à côté de la Courneuve. Comme toi, puisque ouais, t'es voilà. 9-3. Voilà, et le rap game, c'était, j'ai kiffé de ouf les morceaux quand il est sorti. Donc là, je voulais le passer. Et là, on va repartir sur une toute petite session classique, ouais. Juste avant de basculer en live. Il y aura freestyle dans quelques minutes. Peut-être qu'il y aura une surprise. Et peut-être une surprise aussi. Ah, gars. On repart avec Nesbill. Vas-y. Nesbill, l'histoire d'un mec qui est cool. Pareil, c'est quelqu'un dont t'apprécies la plume. Ce morceau. En fait, ce morceau, quand j'entends le ouh, ouh. No mo. Quand j'ai entendu le ah, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Et après, le morceau, je l'ai trouvé trop chaud, juste à cause de ça. Donc, je tenais à le passer. Nesbill, maintenant, l'histoire d'un mec qui coule. Le choix de Dinos au contrôle de la Nocturne 100% rap français. Saint-Tropez, pont de l'Alma. J'suis comme Jésus, j'marche près du trophée, j'regarde pas. J'marche droit, y'aura pas de zénith, ni d'Olympia. J'suis pas une resta, moi j'suis un soldat. 4 buts tatoués sur la joue gauche. Écoute, j'découpe avant que la mort me fauche. Oh. Je suis un goutte de sperme de l'enfer. Rien à foutre, ça braque en perme. Les doigts chantent, on les enferme. Oh, c'est vrai que je prends pas le disque. La différence entre toi et moi, hey, je monnaie, je prends des risques. Oh, on parle pas de corde dans la maison du clown triste. Noyé dans la tise, une cornade quand ça monte sur Berry's. Oh, criminogène, la matrice, y'a pas de factice. C'est des armes de guerre quand ça monte au casse-pipe. Oh. Autre nous pissera mon tombeau, oh. Fracasse la poutre avec mes tibias, appelle-moi ton pot. C'est l'histoire d'un mec qui coule. Y'a le monde qui s'écroule autour de lui. J'rappe sale, j'crache des douilles. Du merjou, un flot tel me genou. Monsieur autre nous pissera, ma mère va pleurer sur ma dépouille. Oh, voiture bélier dans ta chicha. Champagne, vodka, car pas sous MDMA. La ruina, ça c'est ripa. Oui, des rajas, 04 Casanegra. Je vais mourir, j'espère plus faire partie de ce mouvement. Je les ai appelés, ils sont pas venus quand j'étais vivant. Hypocrite, garde, reste un bis pour ta mère. Viens pas mon enterrement, je suis dissident. C'est toujours de l'armée de sang. Un ours polaire en Afrique, c'est l'enfant des glaces, l'industrie du disque, je rappe pour le fric. Oh, HFM, Fleury Fren, verbal brolique. Oh, mort cérébrale, c'est 63, quoi planning. Oh, j'suis mort dans ce film dès le début du générique. Oh, j'fais mes prises de voix en hôpital psychiatrique. Oh, l'impression que c'est Kurt Cobain qui tient ma plume. Oh, symphonie du bitume, un Touareg dans la brume. Oh. C'est l'histoire d'un mec qui coule. Tout part en couille. Autour de moi y'a le monde qui s'écroule. Oh. On n'oublie jamais son numéro d'écrou. Oh. Sur terre j'suis venu lambda. J'ramènerai que dalle dans le trou. C'est l'histoire d'un mec qui coule. Y'a le monde qui s'écroule autour de lui. J'rappe sale, j'crache des douilles. Du merjou, un flot tel me genou. Monsieur autre nous pisse seul. Ma mère va pleurer sur ma dépouille. Oh. Voiture bélier dans ta chicha. Champagne, vodka, car pas sous MDMA. L'héroïna, ça c'est ripa. Oui, des rajas, 04 Casanegra. Casanegra. Yeah, le 2S, le 2S. Oh. Voiture brillée dans ta chicha. Champagne, vodka, car pas sous MDMA. L'héroïna, ça c'est ripa. Oui, des rajas, 04 Casanegra. Planète rap, 100% rap français. Oublié

Je rentre par effraction comme Emile. Par effraction comme Emile. J'ai la flemme de faire une rime sur la dernière mesure. Pas dans vos guerres de rappeur. Non, les mecs, faites gaffe à vous. S'il y en a un qui me claque, je le réponds pas, j'appelle le marabout. Le négro m'appelle mon frère. Sans savoir que je kenne sa sœur. Devinette, devinette. Je suis un ch'ti ou un Lannister. Viens au 14 avril. À propos de racheter mon label. Hey. Et faire passer le chèque en note de fraîche. Wesh, wesh, wesh, wesh. Arrête de jouer les grands. Quoi? Tu te prends pour un meurtrier alors que t'arrives même pas à tuer le temps. Aga! Je voulais mettre les hurlements de ta meuf en out. Mais j'ai pas réussi à cliquer. Check cette de merde. J'suis dégoûté comme quand j'ai A. Tu te prends pour Jay-Z. Hey, mais t'es HOV. Avec un I à la place du O, j'ai toujours pas le mi-père. Faut pas te fâcher, ma belle. N'aie pas peur s'il y a les contrôleurs. On leur montre comment t'as rasé ta chenille. J'suis en cheveux jaunes. Ouais, j'suis en cheveux jaunes. Ouais. M sur le front. Quoi? M sur le front. J'suis en cheveux jaunes. J'suis de retour, Namek. Un Kamea ou un Grec dans la Schneck Z. J'suis à 14 avril. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rifler le morceau? Yo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Aga, je fais le portrait, j'invite ta meuf au vernissage. Aïe, je suis en concert lundi 14 avril. Music Box avec du 6 en live stream. Ramenez vos boules. Hey, je m'endors avec plein de tagas. Je me fais pépon par Bulma. Je fous la vidéo sur Instagram. Bon, je la laisse choisir le filtre vu que je suis poli. C'est football. On crue que Politzer. T'es un danseur de logo B. Sale, sale. La boule remplie de résidus, de trucs sales. Sale. Heureusement que la réduction ne tue pas. Ils passent leur temps à jouer les durs. J'arriverai même pas à faire du développé couché avec mes burs. Je suis un mercenaire. Je pourrais jurer sur la vie de ma mère, ce death. Wesh, mon frère. Je chercherai pas la bagarre. Si t'as un corps, t'arrives cross. Jure. Parce que je suis en cheveux jaunes. Cheveux jaunes. M sur le front. Je suis en cheveux jaunes. Cheveux jaunes. Je retourne un mec, un Kamea ou un Grec dans la Schneck. Et ça fait. Je suis en 14 avril sur ce négro. T'entends ce putain de banger, négro? T'entends ce truc de Richie Beat? On fait cette merde sur l'avenue du Faubourg Saint-Martin. Jure. Lundi 14 avril. Du monde. Sit down. Please mind the gap between the train and the platform. C'est la nocturne avec Dinos, Punchline Novik, Apparence, sorti le 14 avril, et ce morceau donc qui s'appelle Magine. C'est l'exclu de la soirée, merci. De rien. Pour de cet rien. Exclu qu'on peut retrouver donc sur le projet Apparence. Ouais, j'espère que vous allez kiffer, que vous avez kiffé ce morceau. Et bah allez précommander dès maintenant là pour montrer. C'est quoi, 4,99 4,99 frère. TTC en plus frère. 4,99 TTC pour. Allez, 11 morceaux puisqu'il y a des titres inédits. 11 morceaux frère. Ça vaut le coup. Frère, ça vaut tout. Allez, cliquez Dinos Punchline Novik avec nous. Cliquez. Et si vous êtes prêts maintenant, messieurs, freestyle. Avant de conclure cette première heure de nocturne. Freestyle? Ouais. On y va? Allons-en. Non, juste parce que je t'ai pas demandé. Ouais. Le morceau de Gynéco en classique, le Vanessa, pourquoi? Parce que j'avais un cousin qui. Il disait tout le temps, pourquoi tu veux pas sortir avec moi? Et je comprenais pas pourquoi, tu vois. Ouais. Et il m'a dit, mais tu connais pas cette chanson? Et genre, j'étais type, après, il m'a fait écouter, j'ai fait, ah ouais, lourd, putain. Bah, Gynéco, cet album-là, incroyable, cet album, première consultation. Ouais, je l'ai découvert plus tard aussi. Bah, ouais. Trop petit, frère. Comme le mauvais œil de l'unité. Mais normal, en même temps, au début des années 2000. T'as un petit bout de chou. Ouais. Et on y va maintenant, c'est parti. Le bout de chou, vous allez voir, il a grandi au freestyle dans la nocturne 100% rap français. Session freestyle, allez-y messieurs. Check. Check. Négro. Yeah. Hey. Ça vient de la cour neuve, tu sais que ça va te briser les jambes. Je suis là pour faire du bif, je m'en bats les couilles de devenir une légende. Je suis un porc, je mange des cheesecakes dans mes toilettes. Je suis trop fort, faut que je fasse un feat avec moi-même. Les groupies veulent me prendre en photo, me prennent pour un demi-dieu. Lunettes de soleil et coupe de Ronaldo en 2002. Je suis dans le game pour faire du père forage. Ma vie c'est une énigme trop compliquée, même pour le père Foras. Je suis au top gros, j'étais déjà plus fort que vous à l'époque où je mettais des caleçons Léopoldo. Je gagne tous ces MC sont préliminaires, je suis le meilleur de ma génération. Ah oui, je crois que je suis un peu fou. J'ai vu tout ce monde comme si c'était des coiffeurs de château rouge. Check, je suis des mousses, des meufs m'applaudissent. Yep. Je suis pas un rappeur, je suis Dinos Punchline. Yo, I wanna rock right now. Now. Négro, j'ai dit I wanna rock right now. Now. Parle mal de la capsule, mes négros de pétron là-dedans. Yo, Snoop Dogg, Snoop Doggy Dogg, qu'est-ce qu'on attend? J'ai 37 ans d'avance. Invite-moi sur ta mixtape si tu veux te faire mettre à l'amende. J'suis décalé, j'écris mes textes le soir à partir de minuit comme un fou. Et quand j'ai plus d'inspi, j'check des vidéos de BBW. Ah. J'libère mon esprit. Et quand j'écrase, j'me transforme en S-Bill. Ah. Des phases de guerre, j'peux te calciner sur un couplet. Un crâne de pierre, j'peux te lapider sur un coup de tête. Ces rappeurs en déclin veulent faire des rimes de jeunes. Négro, t'as 40 pistes, tu parles encore de 10 de Sun. Pas noir, j'sais pas t'es qui, t'es pathétique, j'dégomme ta sale tête. De toute façon t'as pas d'équipe, ton seul ami c'est homme de MySpace. Des questions existentielles, romançant mes histoires. Qui se ressemble, ça semble ok, mais comment font les Chinois? Laisse la clique et tout méga t'explose. Renoir, je suis attendu comme le retour de méga upload. Apparence 14 avril. 14 avril sur ce truc. Hey, apparence 14 avril, apparence 14 avril, apparence 14 avril, apparence 14 avril, apparence 14 avril, apparence 14 avril, apparence 14 avril, apparence 14 avril, apparence 14 avril, apparence 14 avril, prêt, tu peux nous balancer notre prod? Yo, hey, Turi Balboa, Capsule Corse. Yo. Apparence 14 avril. Hey. Apparence 14 avril, négro. Apparence 14 avril. Apparence 14 avril. Check. J'ai des punchs, mais tu sais que les négros peuvent plager. J'ai du flow, mais je sais pas si ces négros savent nager. J'ai déjà été au plus bas. Quand est-ce qu'ils font comprendre? C'est comme si je remarque une go plus de la fouf. Je peux plus descendre. Je vais leur faire goûter au dégoût. Écoutez si vous doutez. Je rends les coups pas, genre t'as plus de daron et je te chante papa où t'es. Je kidnappe ton maé, je le menace pour quitter l'argent sans foi. On fait la paix, tu me présentes ta go, puis elle repart sans toi. Giga, je suis plus sympa, check ma syntaxe en strass. Je suis le revers de la médaille, celui de pute s'embrasse. Je remonte le terrain, ça en passe, les rappeurs s'embrassent. Gagne la course ou tu fais le crawl en faisant la brasse. Passe, passe le mic, je tabasse. Même à capella, j'casse les manes comme si je parle mal. Demandez la y'a des mandats, demandez-les avant que je mette des mandales de vandale. Tu quittes tes sandales et ta maman dans les plus brefs délais. Ton équipe se fait recouler à l'accueil. Ta new school est plus forte que moi à la play. Je ramène ma copine au resto et c'est moi qui paye. C'est leur mère qui paye le loyer, c'est eux qui se plaignent. Fred, pull up ça s'il te plaît. Yeah. Hey. Hey, hey, hey. Luigi. Yeah. Yo. Merde. C'est la base, négro. Viens en rose comme Killa Cam. Yeah. Hey. 14 avril. Négro, négro, apparence le 14 avril. Hey, hey, hey. Apparence le 14 avril. Négro. C'est la base, négro. Renoir, faut pas m'embêter. Renoir, faut pas m'embêter. J'ai niqué plus d'histoires d'amour que les vacances d'été. Les filles droites finissent penchées un peu comme les jambes assistées. Je n'ai peur que d'un seul dieu. T'es là, tu me parles des grandes cités. Pour trouver l'amour, je ne compte plus le nombre de frères comprimés. Les filles trop faciles font souvent des histoires trop compliquées. Donc je m'occupe plus d'ego, mais plutôt de mon avenir. Vise entre les deux yeux pour être sûr que tu la vois venir. Modeste de nature, mais dans mes songes, j'ai l'air hautain. Si je touche plus de paires de seins, c'est parce que je chante au refrain. J'écris des buts putain de couplet. Aux profondeurs abyssales, ces PD d'MC simulent et pourtant ne sont pas étales. Tu rappes avec ton cœur cool, moi je rappe avec le seum. Toujours accompagné parce qu'un malheur n'arrive jamais seul. L'homme ne marche que par intérêt, c'est connu. Donc si tu me parles parce que je rappe, je réponds que si t'as un gros cul. Double C, la base, nigga. Rien qu'on traumatise, rien qu'on casse des gueules. Rien à craindre, j'encaisse les peines, j'encaisse les coups durs. Un chasse dans la poche, comme tout chasseur de grosses coupures. Tu m'insultes en commentaire, je ne peux pas t'excuser. Réfléchis bien, négro, un jour il sera trop tard pour sucer. La famille, le travail, poto, c'est sur ça que je mise. Euro, euro, euro, euro, c'est ma seule devise. Balayette, laser, vos chicots sur le tatami. Je côtoie des bombes tous les jours, comme un Bagdadi. Je l'ai déjà dit, du génie pur dans mes didas. Car il sache là, mais que je suis au-dessus, comme si je rappais au paradis. Je t'arrasse, bâtard, je tabasse à gare. Je me gratte plus l'épaule en public. J'ai trop peur de me faire balam bala. Balam bala. Je rappe à plein dans concurrence invisible comme le boule de Nicky à 20 ans. Apparence le 14 avril. Je crois que les petits de ma TSI apprécient. Attendent ma sortie, genre je suis Bigavelli. Ça vend des vies, moi je me contente d'écrire. T'as même pas le brevet des collèges. Comment tu veux comprendre mes lignes? Tire, salope, tire. Litchi aussi à son paroxysme. Connaissent rien en rap, ils vont sortir leur EP 14 titres. Non! Saloperie. Ils ont rayé ma paire de Nike. J'vais refaire la carrosserie. Je me lève à l'aube comme si je m'endormais à 3. Si le bif fait grossir, je veux le beurre et l'argent du beurre oméga 3. Critique mon son, mon sgeg, check tes lèvres. Ta sœur m'appelle David Guetta quand je la prends à 300 BPM. Je suis un prince, c'est le mec tout. Je mange du porc, j'envoie des cœurs à Maracli et je vous presse tous. T'as jamais vu un fou de la sort, écoute d'abord, t'es ton ascom. Susan Boy ou Soldier Boy sous alcool. Mon son tourne du parc au vélodrome. Je suis noir de la Courneuve, le bleu de Paris, le rouge de Bordeaux, le vert de Rome. Rat des villes, tout ce que je touche transforme en or. Pour ça que je te frappe pas, si je te mets une droite, t'auras des grises. Bouffon. Apparence 14 avril. Apparence 14 avril, négro. Apparence 14 avril, négro. Hey. Apparence 14 avril, négro. Apparence 14 avril, négro. Hey, frère, envoie notre salve. Gia. Hey, yo, Cam, I see you, my nigga. Yo. Hey, hey, son, 10. Gia. Apparence 14 avril. Hey, hey. Apparence 14 avril. Yo, Gia, Gia, négro. Je rentre sur le beat, tous ces clochards jump. J'suis dans le building, genre Donald Trump. Napalm sur les brelets de ses fils de. J'crache du feu, j'marche avec des dragons comme un skieur. J'flingue, méfiez, vous de ma team dans ma jungle. Règne les troupes, s'agitent avec plein de refs. J'fêterai mon anniversaire une fois tous les 4 ans, comme si j'étais né un 29 février. Bref, arrêtez de vous prendre pour des hipsters. Bref, arrêtez les triangles sur vos t-shirts. Bref. En juillet, il me faut une Donna Summer. En décembre, il me faut une Ophélie Winter. Freestyle, on crise d'ado, crise d'ado. J'rappe 7 sur 7, Cristiano sur Cristiano. Tous ces négros attendent mon projet. Souris jaune comme un Simpson, OJ. J'suis ni un message ni un porte-voix. J'suis mature, j'fais des ratures noires, mais j'porte mes noix. Parce que pour rapper, faut être un gangster, n'importe quoi. J'parle pas de braquage dans mes sons, et j'suis bien plus hardcore que toi. J'veux une sécu de footballeur. J'm'engraisse comme un président, bien manger, c'est le début du bonheur. Négro, et ça fait salade, drink. Tomate, drink. Oignon, drink. Lève ton grec en l'air. Sors mon scratch, crée ma marque. Dans 6 mois, je pète. J'suis bien trop intelligent pour vos histoires de test. Les négros veulent tester, mais ils sont tous HS. Les rappeurs dans la 09, faut que ça cesse. Trouver des nouveaux flows, arrêtez de rapper comme ça. Rapper comme ça, rapper comme ça. Tard le soir, sur Brazzers ou sur Twitter, ma gueule. J'me balade sur la toile comme Peter Parker. Envoie une autre merde, frère. Putain, c'est chaud, mec. Yo. Gia. Luigi sur cette demeure, les Luigi. La base, négro. Oh. Gia. Oh. Double C. Double C. Oh. 14 avril. Oh, oh. Double C. Oh. apparence. Négro. Apparence. Ah. Yo. Vrai négro, comme on n'en fait plus. Déterminé, voire têtu. Ton équipe sert à que dalle, putain. L'assurance vie de Jésus. À chaque feat, y'a pas de rescapé. Je démarre, je les laisse caler. OVNI, d'après les statistiques, pour 12 frappés, 13 cadrés. Déterminé, quoi que je fasse, tout terrain. Je passe de fac à Fnac, mon ispac rempli d'Oji. C'est ce que j'appelle un sac de frappe. Donc poteau, si t'as de la bonne, fais les tours. Il faut que je décolle, il faut que je décolle. Habillé pour mieux fêter ta mort tous les jours. Noir sur noir, icône sur icône. Je suis un négro, j'élimine en 2-2. Roule un joint de devant les feux que je peux donner la vie ou la mort, te la mettre entre les deux bœufs, jouer entre les deux yeux. J'attire les chats, my nigga. Mais dis-moi ce que tu veux que j'y fasse, my nigga. What? Tu veux jouer sur plusieurs tableaux, mais qui va à la chasse, perd sa tasse, my nigga. Partout les mêmes, toujours les mêmes buts. Partage le même rêve, les mêmes buts. Se faire trancher par un égard, et au fond, l'homme n'est qu'un chien qui sait parler, hein. Négro, un prêt visible pour ses petites frappes. What? Tu m'attends au tournant, PD, je prends la ligne 3. Okay. Comme ça, c'est clair. Comme ça c'est clair, apparence. Comme ça c'est clair, hey. 14 avril. Okay. Comme ça c'est clair, Dinos, mais. Je les ai. Comme ça c'est clair. Ok, je suis un gros minet. Ces salopes me titillent. Ma petite sœur a 9 ans, elle chante. Je coupe, j'emballe et je bibi. Mais on est ce que l'on mange, négat. On est ce que l'on mange, négat. On est ce que l'on mange. Je comprends pourquoi t'as miaulé ce midi. Air Force en 80. Je me donne une note, j'ai 20. Si tes potes sont fake, amène toutes ces pétasses au musée Grévin. Que Dieu soit loué, négat. Que Dieu soit loué, négat. Pour rapper tellement bien quand vous. Vous êtes en mode sourd et muet. Tous les projets sont carrés. On rappe plus, on pixel. Ta mère dit merci qui on répond. Merci, merci Jacques et Michel. Victoire me colle au basque. Mention, tu nous as niqué au bac. Thierry utilise Photoshop. On demande à la Silicon Valley de te follow back. Merci le corps, négro. Cette merde, négro. Comme ça, c'est clair. Envoyez notre merde, Fred. Oui, Gino. Comme ça c'est clair. Comme ça c'est clair. Ça c'est clair. Yo, yo, check. Check. Yeah. Ils comprennent pas mes textes, ces petits cons, ça m'agace. J'ai dit lève ton grec en l'air et ils ont cru que je parlais Nico, ça les agace. Au micro, ça tabasse, schizo, ma caillasse. Des petites go, kiffe trop ma ganache. Arrêtez de vous prendre pour les swaggers, bande de losers, c'est type Snapback Riders, mais tu connais aucun joueur d'équipe. Kick jump, beat up, petite surf, s'il te plaît. Je suis tous les jours au grec à propos de crever comme Big Bang. Je suis un spécimen unique dans le 9-3. Si tu vois une étoile filante, fais le vœu de rapper comme moi. Balle au pied, c'est le tour du monde, globe trotteur. Les négros m'appellent Oedipe, motherfucker. C'est la preuve que j'ai raté mon texte. Mais apparemment, ça, le 14 avril m'amène. Hey, hey. 14 avril, mon négro. Apparence 14 avril. Apparence 14 avril, négro. Apparence 14 avril. Apparence 14 avril, négro. Apparence 14 avril. Apparence 14 avril, négro. Apparence 14 avril. Yo. Hola, nigga. Hola, nigga. Hola. Hola, nigga. Hola. Hola, nigga. Hola. Luigi, c'est la base, négro. Ah, double C. Ah. Hola, nigga. Hola, chica. Dis-moi ça a passé. Si un jour je passe dans ma barbe, c'est que je suis mal rasé. Sombre crétin de jacté, tu ne peux pas te lasser. T'es derrière moi, donc forcément pour parler, t'es mal placé. Mon nigga roule un terre. Si tu veux le bordel dans ta soirée, nigga, trouve un verre. On fout le bordel dans ta ville quand Bibi roule un fer. Y'a pas de billage au paradis, j'ai ma place pour l'enfer. Blackbird, chatin, je les retourne genre papa. J'ai du pain sur la planche, tu sers des planches à pain. Je suis pacifiste et les gens se demandent pourquoi. Mais sache que si on fait la paix, man, c'est tant mieux pour toi. Ok, je vais disparaître des racnis et Bibi m'appelle Houdini. Mon surnom c'est MC Magie, tous mes couplets ont du génie. Mort dans le film, tous tes potos t'appellent Kenny. Tu veux me canner, je m'appelle Luigi, mec, j'ai plusieurs vies. What's up? Punchline, no village, en chair et en dinos. Teste la clique et tu te fais enterrer en 10 secondes. Je te fais perdre connaissance comme ta. Ni t'aime pas, tu ne m'aimes pas. Parce que je dis tout haut ce que tu ne penses même pas. Fais péter la prod et je fais le reste. La vie c'est triste, Jamel debout, je peux pas jouer à PES. Comme d'hab, je fais péter les décibels. Je suis l'exception qui confirme le double décimètre. Yo, comme tout négro sur terre, je vais toucher le pactole. Avant de mettre du fond de fer, va te mettre du biatol. Hey, va te mettre du biatol. apparence. Hey. Lundi, apparence. Yeah. Apparence 14 avril. Apparence 14 avril. Apparence 14 avril. Apparence 14 avril. Crie mon nom, négro. Crie mon nom. Yeah. Ok. Mon nom, négro. Négro, oui. Check. Oui. Ils vont tous décéder. Respectez les négros, m'appelle Dinos, les pillages, je m'appelle en PCB. Je kick avec mon gang, éloquent, frérot. Regarde mes perspectives, hey, yo, je suis Michelangelo. À deux milieux sous la merde, tous les négros m'appellent Jules. Moi je joue son boule et crois que je vais devenir son Jules. J'ai rien contre les cross volées, mais mon frère m'appelle pas Jules. J'ai la gaule plus la naissance, c'est pour ça qu'on m'appelle Jules, parce que je suis meilleur de ma branche, ouais. Un négro cartésien, mais je pète les plombs. Comme Barracuda dans l'avion malaisien. Je les perturbe, je perturbe, boy. Je percute, appelle-moi Tiger Woods, perdu pendant la guerre du Golfe. D'avance pour mes 20 ans, appelle-moi Amy, Jimmy Jim ou Kurt Cobain. Je vais peut-être pourrir dans cette merde, même si je suis pas redouté. Appelle-moi Kenzie, t'es KO par terre, je suis KO de B. MC, Marcel avec les sous-titres, je dégoupille. Yo, si y'a les keufs, m'appelle pas Renoir, je suis né sous X. Si j'étais toi, je voudrais rapper avec moi, mais ne le fais pas, tu serais froissé. Si tu rappais avec moi, genre je suis Rocky et toi Adrienne. Minus, Pavel Nedved, 64ème minute. Toute la cité trouve mes textes lourds, et les rages vont tous tomber comme s'ils se tenaient sur le poignet de Ace Hood. C'est quand je rappe, toutes les têtes bougent. Ouf tes aides gourdes, appelle-moi Crips, parce que je fourre que des schnecks rouges. Gino. Après dire, je m'en bats les steaks, je fous le bordel dans leur foufouignant. M'appelez plus Crips, appelle-moi Allen Schneck. Je m'endors avec un tas nana 4 calas, mon style découpe tout, appelle-moi Dolce Katana. Wow. Yo, m'utilise pas sans check la notice. Appelle-moi le meilleur, appelle-moi Dinos Brunsteinovic. Brunsteinovic, je viens crier mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom, Chimio, Chimio. L'escarla crie mon nom, Brunsteinovic. Je viens kicker mon nom, présenter mon nom. Je suis violent sur le violon, comme si le rap lui-même m'avait mis au monde. MC crie mon nom, apparence le 14 avril. Hey, hey, je lève langue tel un marin, je reste propre même quand j'escroque. Apparence le 14 avril, je reste propre même quand j'escroque. C'était la session live de la Nocturne 100% rap français. Merci à vous, messieurs. Bravo, merci Dinos. Merci à toi, mec. Merci, mec. Apparence le 14 avril. Rappelle-nous un peu qui était avec toi, là, au micro. J'étais avec Turi Balboa, qui a lâché un couplet sale. Yeah, yeah. Qui a lâché un couplet sale. Ah, ce négro. On a kické sa propre. Et les mecs, on peut vous suivre où? On peut vous retrouver où sur le net? @ Punchy Dinos. PUNCHYDINOS. Sur Instagram. Sur Instagram, Punchy Dinos, pareil. Je suis en concert aux 3 Baudets le 6 mai. 6 mai aux 3 Baudets à Paris, ouais. Ouais. Et 22 avril au New Morning. Ouais. Et après t'as Luigi. Luigi, vas-y. Luigi @ Luigi Alexis Alexis. Luigi Luigi. Tu tapes mon nom sur internet, tu trouves. Tu trouves, crie mon nom. Tu gueules mon enculé. C'est pour toi. Pas qui je suis. Et pour moi, c'est Turi Balboa. Alors sur Twitter, Balboa OK gars. Et voilà, mon projet sort le 32 décembre. Vous pouvez. Bang bang. Et ben on guettera donc le 32 décembre, s'il vous plaît, sur le calendrier. Merci, merci à vous. Sur le calendrier. Dinos, merci, mec. Toi par contre, c'est pas le 32 décembre, c'est lundi, hein. 14 avril, mec. La date, négro. Apparence, on peut aller chercher ça, les mecs. Par exemple, si vous avez kiffé là le live ou alors les morceaux qu'on a passés, cliquez tout de suite, récupérez 4,99. Vous avez même des sons en exclu qui arrivent directement, donc profitez-en. Ouais. Le projet est super chaud, il nous a fait une petite séance d'écoute. Ouais. Franchement, une évolution de dingue, une valide de fou, je vais l'acheter 6 fois. Vas-y, on te surveille. Merci à vous, messieurs. Merci à vous. Bonne soirée de la Nocturne, continue pendant une heure avec tout de suite le son de Lino. Et 12ème lettre pour repartir pour une deuxième heure de Nocturne 100% rap français. 100% rap français, planète rap. La Nocturne. Maintenant tu sais comment faire une bombe, commencer une guerre, ambiancer le monde, traduire une explosion en français. Dans mon enfer y'a du bon, du sensé, du plomb, des portes enfoncées, du son, je rappe le fond de mes pensées, je suis sombre. Tu sais y'a drogue et alcool dans le processus créatif, j'augmente la masse et les degrés Celsius, sans feu ni créatine, fais créer l'acier. Les platines brûlent trop près de la mouvance. Ton rap vieille mal, j'ai pissé dans la fontaine de jouvence. Ça claque, j'vais là pour frapper. Sexe souvent me hisser au top pour charcler le hip-hop, attaquer. Marquer l'époque et me glisser. C'est propre à nous, on fait du sale, c'est pas pour lisser. J'prends mes balles dans l'alphabet. C'est D-E-F-G-I-J-K-L, qui sait. C'est L-I-N, le L. La 12ème lettre, l'alien, le libre penseur. L'alerte, l'unique, le seul, la balle à L-E-F.

Yeah. Je suis fondé dans la tête des pensées sombres. Ouais, je suis fier de moi quand je prends tes ronds. Je compte pas être enterré au Panthéon. Je me suis entraîné à te planter le front. Je veux pas périr d'une putain de pendaison. Sous un ciel orageux, je lève mon verre orageux. Un diable à ma gauche et un ange à ma droite. J'ai le paradis derrière, l'enfer face à Wam. Évite les troubles, faites les ravageois. Les filles maladroites, j'écoute du balavoine. C'est Al Capote, Necfeu et Alpha One. On dépouille votre bœuf comme à la douane. Je ne pas d'Awan, prends garde à Watt. Dans ce monde tu viens, tu repars à voile. Y'a pas de lézard vert et pas de chat noir. Que des lames de rasoir dans la mâchoire. Des blancs, des beurs, des noirs qui chantent. À part les saisons, tu vois ce qui change. Le genre, je crois qu'il se plante. Faut qu'on se réchauffe avant que nos corps refroidissent. Des blancs, des beurs, des noirs qui chantent. À part les saisons, tu vois ce qui change. Le genre, je crois qu'il se plante. Faut qu'on se réchauffe avant que nos corps refroidissent. Quand j'ai vécu la vraie traîtrise, le doute était long. Mental de résistant. Malgré les risques, j'ai coupé les ponts. À quoi bon s'entêter, faut s'inquiéter de la santé des tiens. Je te parle des vrais, pas ceux qui te sourient sans t'aider. Façon t'es dead. Si tu dédaines l'honneur que tu détiens, n'aie pas peur d'éteigne. Même si tes malheurs déteignent, tes malheurs dégainent. Adresse contre un, ça tape des têtes, hein. Moi je suis un lion, rien à battre des valeurs des hyènes. Tu peux râler difficile, t'es un voyou dans ta tête. Je jette un caillou dans ta fenêtre et je mets ma pierre à l'édifice. La société délaisse les gens, au pire elle édifice. Moi je confère à l'édifice qui suivent et pirater le fils. Fumer des coïbas à coups. On est sur quoi? Sur l'avenir, la vie est un jeu. On y joue cash, rien qu'on y va. Cous, on tisse ou pas. On va des escaliers, je regarde sous les jupes des filles. Tu peux m'appeler Onizuka de l'Onibaku. Des blancs, des beurs, des noirs qui chantent. À part les saisons, tu vois ce qui change. Le genre, je crois qu'il se plante. Faut qu'on se réchauffe avant que nos corps refroidissent. Des blancs, des beurs, des noirs qui chantent. À part les saisons, tu vois ce qui change. Le genre, je crois qu'il se plante. Faut qu'on se réchauffe avant que nos corps refroidissent. Narval au parano, une bombe dans mon sac à dos. Rap crado à l'assaut des ondes, mange des marshmallows. J'avais 14 ans en 1995. Aujourd'hui je crame de l'agnax et je t'éclate le diaphragme. Quelques grammes de caviar et on parle de mariage. Néochrome en partenariat du rap de mafia. 2013, 14, 15, 16. Alice au pays des merveilles, Aziz au pays des merguez. La folie qui m'a frappé ne porte pas de nom médical. Je suis descendu en rappel de mon cordon ombilical. En 95, 5, j'avais 5 ans. Je m'en souviens bien, mon grand-père est mort, douleur cinglante. Je pense à lui quand je me sens trop défaitiste. Y'a une leçon dans chaque douleur, même s'il y a beaucoup d'effets tristes. On a les boules et on fuck un tas de gays. J'ai un clic sur la fanpage de Val et Jonathan Hage. Des blancs, des beurs, des noirs qui chantent. À part les saisons, tu vois ce qui change. Le genre, je crois qu'il se plante. Faut qu'on se réchauffe avant que nos corps refroidissent. Des blancs, des beurs, des noirs qui chantent. À part les saisons, tu vois ce qui change. Le genre, je crois qu'il se plante. Faut qu'on se réchauffe avant que nos corps refroidissent. Avant que nos corps refroidissent. Al Capote, 1995. Nec, feu, Billy Fly. Et ça dit quoi, enfoiré? Rap français, planète rap. La nocturne. On est dans le feu de l'action, testerait bien plein de trucs. Ils ont comme seule passion de péter un joint de pur. Mais sur moi, je te le rends au quintuple. Pour l'instant je serre les dents pour éviter de serrer la ceinture. Ma team me guide près, j'habite le 19ème. Naïf j'ai déjà dit je t'aime. Désormais désolé, je veux de grandes sommes, que les dollars pleuvent. Devenir des Richard Branson ou des Donald Trump. Tous mes honnards gueulent qu'ils veulent de l'oseille. Tous mais ne foutent rien et ont peur de leurs problèmes. Jeune poète finira dans un rêve. Ou avec une balle dans la tête comme Kurt Cobain. Ils disent qu'il est temps que j'arrête, j'm'en tape. Laisse-moi lire mes mangas, rester gosse jusqu'à 30 balais. Si t'abandonnes, y'aura jamais personne pour te ramener. Mais si tu crois en toi, alors tu peux monter une armée. L'entourage. On est des produits de nos environnements. Nos mères auraient voulu qu'on grandisse autrement. On est conditionné à l'emprisonnement. Bats-toi, bats-toi, lis tes actes à ton raisonnement. On est des produits de nos environnements.

ne me parle pas. Refuse la peine de l'usine parce qu'elle est maigre. Poste de l'urbaine musique, j'suis un Pascal Nègre. J'viens pas piquer le power. Les défenseurs ballon d'or se comptent sur les doigts d'une main. Demande à Beckenbauer. Vois-moi comme un 5 belliqueux. Le troisième petit pont, j'te casse la bûche. Et j'assume le carton rouge. Le kamikaze part en guerre pour mourir, yeah. Ça le rend plus efficace que soldat qui attend les courriers, yeah. On distingue le mal et le bien à l'âge de raison. On m'attend comme les abeilles attendent les floraisons. On finira sous terre, tous dés. Avant d'être persuadé, j'ai douté. J'arrache le respect face à leurs cris. Fuselé, façon, mentir l'amour, ça rend un cri. Hey yo, j'suis pas fou, j'suis béni. Ex-LFT, tu es béni. J'monte en flèche, mais j'perds ma fou, flèche comme pénure. J'suis à part à chacal, mec en chien qu'a quitte la sac à tâche. J'étais le maillot de chaque, je pétasse lui de béni. Élevé au sac, à chaque zinc que ça qu'on charque le sac de brochette. Semaine prochaine, catch devant les bénis. Quel freestyle, j'mange des brux, parle français, pris en arabe. Quel freestyle. Despo Roots y a vécu et c'est MC Balboa. N'aie plus honte de crécher les papillons sous bois. Ils sont choqués, ils coulent. Comment autant de violence peut provenir d'une ville aussi cool. Validé par AKH et ses millions de disques. Les rageux, qu'est-ce que j'm'en tape l'oignon de ce qu'ils disent. Qui même me suivent, qui est partant. Je vous emmerde, je vous emmène, pardon. Je me kiffe, je me branle sur moi-même sous mes draps. Je suis mon rappeur favori. Ben quoi, j'ai pas le droit. Leur brise sur la tête du tel. J'ai la clash, combat la justice comme Michael. Celui qui m'appelle Roi Lion court m'a vénère. Aujourd'hui s'il m'appelle le Roi Lion, il m'a vénéré. Les mères dorment plus, pleurent leurs fils dans des requêtes. Seigneur mourir avant le cadet, c'est leur dernière requête. De Saint-Ouen Riquet, le fusil parle fort, je le regrette. C'est pas faux, et pour c'est le quai. Merde, lâche ton shoot. Merde, et creuse tes joues. Incrusté dans tes veines crispées sous. Tu fais la manche pour planer, pour graille, tu grattes des sous. C'est vrai, c'est pas tout le monde qui réussit. Mais le ghetto a besoin de guerriers lucides. Défier l'état, t'en connais le coup. Freine te freine, lui refrais, t'en connais le coup. Sois confiant mais fais bélec sur qui tu mets tes coups. Encourageant comme rageant, les squelettes n'ont pas de couilles. Meister. Décharger l'argent du coffre. Tellement de bugs, faut décharger l'argent du coffre. Tellement de bugs, faut décharger l'argent du coffre. Et on attend des clubs comme ces pédales attendent les coffres. Purple Hazy est violet. Purple Hazy est violet. Purple Hazy est violet. Purple Hazy est violet. Transforme nuit blanche en nuit blanche, oh, nuit blanche en purple hazy et violet. Purple hazy et violet. Purple hazy et violet. Purple hazy et violet. Purple hazy et violet. Purple hazy et violet. Je transforme nuit blanche en nuit blanche, oh, nuit blanche en purple hazy et violet. Purple hazy et violet. Bienvenue dans mon game. Dans mon game. Mr. Dachizo, t'as bien lu la chaîne. Climate jusqu'à terre. Jusqu'à terre. Puis, puis, fais une tente sur mon pose. Les mongols du bloc qui font se défoncent comme une bombe. Cartelicré, noir noirci par le crime. J'crois que j'ai facturé les cartelis. Des lits civils, eux le fit. J'transforme du blanche en, du blanche en, du blanche en. Fesse cuir, voyage au soleil. Ray-Ban, couleur osée. Jacka, rime d'enculé. Purple Ace, billet violet. Billet violet. Bon, je suis sans side. Toujours en avance, c'est bêta. Trois lailles dans le pochon, bizarre.

J'ai développé quelques idées, j'ai gambergé dans ma bulle. Ils ont voulu nous esquiver, je tors mes projets, je les encule. Illuminé comme la lune, je leur fais du mal sans le vouloir. En effet, le poids d'une plume pour redéfinir le pouvoir. On n'est pas ceux qui se plaignent. Non, les je suis pas maman. Négro, j'ai la haine comme Saïd, Hubert et Vincent. On est des petites peines, parle fort comme les Allemands. Chasse les petites chiennes au store, fais le charmant. Les anciens n'ont pas bougé, ils sont restés sur poste. Tu peux revenir au QG, tu verras les mêmes choses. Toutes les équipes explosent, dur de voir la vie en rose. C'est tout, c'était pas dans une maison close. On a brûlé tous nos billets, faut se refaire une table de poker. À trop bluffé, on se fait crier avec un sourire de joker. Toujours un qui porte la guine. Maudit comme le ghetto, si la rue nous estime, c'est qu'elle sait d'où viennent nos propos. Juge pas l'artiste à sa coupe. Regarde plutôt son pédigré, fait même pour ta pouffe. T'es le seul à pas l'avoir pénétré. À tous ceux qui m'écoutent, ceux qui m'ont pas encore validé, je vous ramasse sur la route. Serein comme t'as pas idée, le monde se réveille quand j'aurai fini ce texte. Une piole du sky, salope en latex. On traîne sur le thème, surf sur le game. Y'a quand je suis rapote que je les aime. La vérité est toujours la plus brillante, elle vient même si tu la cherches pas. Comme une salope bouillante dans tes draps avec un extra. Mon étoile est brillante, son intensité ne baisse pas. Toujours le plus galant, je fais la passe des comme Iniesta. On vise autre chose que les sommets trop attirés par les grosses sommes. La vie va t'assommer jusqu'à ce que tu deviennes un bonhomme. J'ai des sociétés à monter, des frérots à défaucher. Cherche pas à nous stopper, on risquerait de vous amoucher. Suffit d'un direct, d'un placé pour les regarder se coucher. Quand je surfe sur le gain, y'a pas de zigzag. Viens nous voir à nos concerts, le public bat. J'ai pas besoin de thème, besoin d'un putain de mic. Montre vous en terre, des terres comme les halls. La concurrence, j'te dis bye bye. Chaque jour on met la barre plus haute. Surf sur le game avec brio. Concurrence, j'te dis bye bye. Chaque jour on met la barre plus haute. Surf sur le game avec brio. Y'a va, y'a va. Game avec Prio, y'en va, y'en va. 100% rap français, planète rap. La nocturne. L'alcool m'aide à méditer. Faut-il que je m'en tire une dans le crâne pour qu'à leurs yeux je puisse exister. Plus rien ne peut m'intimider. Dehors j'ai perdu mon intimité. La drogue et l'alcool m'aident à méditer. Faut-il que je m'en tire une dans le crâne pour qu'à leurs yeux je puisse exister. Enfermé dehors, jugé coupable à tort. Le temps que je m'évade ouvre la porte. À mon retour je te couvre d'or. Je suis enfermé dehors, jugé coupable à tort. Le temps que je m'évade ouvre la porte. À mon retour je te couvre d'or. Je suis enfermé dehors, enfermé dehors, enfermé dehors, enfermé dehors. Je suis enfermé dehors dans les coins les plus hardcore. Le temps que je m'évade ouvre la porte. Regarde mon corps en pleure encore. Yeah. Ouvre-moi le temps d'une chanson. Je veux juste rentrer à la maison. Je me suis enfermé dehors. J'aimerais voir d'autres horizons. J'ai vu passer toutes les saisons. Je me suis enfermé dehors. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Je te jure, je suis fatigué. Dehors c'est chaud, mais je suis frais, frais. Hiver comme été. S'il te plaît, laisse-moi rentrer. Je te jure, je suis fatigué. Dehors c'est chaud, mais je suis frais, frais. Hiver comme été. Dans l'estomac, shit dans le calba, loin de la mama. J'écoute ma paranoïa, donc ma confiance elle est à haut dans le coma. Pour le moment, faut de la monnaie. Les mini-monts des monuments, la rage dans les monnaies. Genre le soir enfermé dans le 2-6. Chicha de la guerre pour mes soldats. La rue c'est pas ma mère, c'est qu'une pute que j'utilise. Et pour la porte de sortie, je suis un itinéraire indécis. Cette femelle veut de moi, mais rien que la justice me demande. J'ai le cœur en or pour ceux que j'aime. Tony, t'as bien fait que manie. La rue c'est pas ce que tu crois. Ma sécu ne sera jamais aux mains d'une épargne. Que Dieu me préserve de prendre perplexe. Joker honnête et moi j'aime pas les épargnes. Maman faut me croire quand je dis que je suis désolé d'être tombé dans le panneau. Au lieu de shooter des gueules, j'aurais simplement dû chanter le bar. Ouvre-moi le temps d'une chanson. Je veux juste rentrer à la maison. Je me suis enfermé dehors. J'aimerais voir d'autres horizons. J'ai vu passer toutes les saisons. Je me suis enfermé dehors. Laisse-moi rentrer, je te jure, je suis fatigué. Dehors c'est chaud, mais je suis frais, frais. Hiver comme été, s'il te plaît, laisse-moi rentrer. Je te jure, je suis fatigué. Dehors c'est chaud, mais je suis frais, frais. Hiver comme été. Tu es pour mes négros, tu es pour mes négros.

à foutre du quintet. Je me demande comment niquer les impôts. Je me demande comment fermer le renté. Je me demande comment ouvrir une radio. Je me demande comment faire pour que nos pères soient plus locataires. J'ai des choses à faire. Et nique ta mère, toi et tes commentaires. C'est ni aime rien à voir avec ces chiens qui racolent. Une semaine au placard, ils peuvent en parler tout un album. Dites aux groupies qu'elles s'affolent, car bientôt ça va barder. Plus dur, c'est pas de prendre leur inté, c'est de savoir le garder. Rames, rames, rames, rames, rames, rames, rames, rames. Tout le monde fait de la fraîche, rames. Chacun veut gratter sa pièce, rames. Sans aller tourner au head, rames. Je rappe pour les blocs et les checks, rames. Ça comme le fond de tes fesses, rames. Ça comme le 93, rames. Rames. 2014, ma gueule. En attendant, Johnny Neal. Ça va rire. Moi le Neal. Fini de wesh, ma gueule. Mohandes. Remets de l'huile dans la sulfate de trio. Ha. Je rappe pour les blocs et les tests. Ramesh. Neal. La nocturne. Virée nocturne. Ouais. Bibi by night. Ah ouais. Virée nocturne. Virée nocturne. Eh, ça vient du trou du cul de la banlieue. 9-4 banlieue, coup de sang, test, effray. Y'aura pas mieux, ça sort du terre-terre. Ça arrive même en haut lieu. En 4-4, YF, by night, c'est la hesse. Be by night, by day, ça baby by night, every day. Sex, drogue, money, toutes les nuits, tous les chats sont gris. Minuit 6, on sait pas ce qui va se passer. Soir ce, on part tous une GAT à cette. Je veux pas refourguer du tiarno au bois de boue. Encore moins acheter des places à Bercy. On veut entrer dans les soirées kitsch. Loter de la pute, trop fourguer de la quiche. À belle coup, c'est la crise. J'ai du rythmol, subutex de la weed. Dis à tes copines qu'on est les singes de la ville. Ça bibi by night, fais tourner mon 06 99999. Jour en mode pour l'opération banane, by night. S'il te plaît, tout miam miam miam miam. Bibi bibi bibi bibi by night, fais tourner mon 06 99999. Jour en mode pour l'opération banane, by night. S'il te plaît, tout miam miam miam miam. By night, bye. Ça bibi by night. On veut entrer dans le paradis des jeans et des choux. Tous chiches pour une virée nocturne. Vive le sexe et les fous qui se touchent. On est venu pour tout niquer. Une équipe macaque surexcitée. Arrivée des cités, emboutée dans une pièce. Un cache pour une tasse P, un série 7. Négro, le temps vaut plus que le fric. Tu vois pas qu'on rapatrie les nègres comme des singes vers l'Afrique. Tu préfères bicrap, du crack ou du maïs. Comme un bacac, laissez-nous faire du ralice. Fuck les nègres, les rapzous dans la police. Je me rappelle quand on jouait à Mirapolis. T'inquiète, cette nuit à nous les ralice. Sex and the city kiss comme du calice. Ma puce, mets-toi à l'aise. Ça bibi by night, fais tourner mon 06 99999. Jour en mode pour l'opération banane, by night. S'il te plaît, toutou, miam miam miam miam. Bibi bibi bibi bibi by night, fais tourner mon 06 99999. Jour en mode pour l'opération banane, by night. S'il te plaît, toutou, miam miam miam miam. La nocturne 100% rap français avec la voix de Dodo Masta sur le projet de Brahms de Sergi qui sortira prochainement. Un EP dans les bacs, on aura l'occasion de reparler dans la nocturne 100% rap français. 100% plus Planète Rap.